franceinter.fr. Bonsoir. C'est à Paris dans les années 1920 que je vous emmène ce soir. Celle qu'on appelle les années folles. Après le carnage de la Première Guerre mondiale, la capitale devient le lieu de ralliement d'une jeunesse qui aspire à vivre et à s'amuser. Hemingway, James Joyce, Picasso, Stravinsky, Fujita, les artistes du monde entier se retrouvent à Paris. Joséphine Baker et sa revue nègre libèrent la musique et les corps. Les femmes coupent leurs cheveux et envoient promener leurs corsets. Les exilés de l'Europe de l'Est y trouvent refuge. Malgré le chômage et les scandales qui menacent la Troisième République, un vent de liberté, léger et irrésistible, même dans les faubourgs populaires, souffle sur Paris. Et dans les années 20, comme aujourd'hui, cette liberté a un symbole, aussi effronté qu'un nez retroussé au milieu d'un visage, la Tour Eiffel, bien sûr. Immense, incongrue, bizarre, cette Tour Eiffel qui, posée sur ses quatre grosses pattes, a toujours l'air de nous dire « je suis grande, je ne sers à rien, et alors ?» Dans sa longue histoire, cette dame de fer a bien fait travailler les imaginations, les plus créatrices, mais aussi les plus folles. C'est une de ces histoires que je vais vous raconter ce soir, celle du projet fou de Victor Lustig, aventurier et dandy des années 20. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Bonsoir Bertrand Lemoine. Bonsoir. Vous êtes ingénieur, architecte, historien d'art, vous êtes un des artisans du projet du Grand Paris et vous êtes aussi un grand amoureux de la Tour Eiffel, sur laquelle vous avez beaucoup écrit, notamment l'année dernière, la fantastique histoire de la Tour Eiffel, un petit livre passionnant, traduit en plusieurs langues. Alors d'où vous vient d'abord cette passion pour la Tour Eiffel ? Ouais, la Tour Eiffel, c'est un monument très singulier qui est toujours pour moi... Très surprenant à regarder, même s'il a déjà aujourd'hui 120, 130 ans. C'est quelque chose qui m'interpelle parce qu'il est à la fois un symbole, bien sûr, d'un siècle que j'aime beaucoup parce qu'il est très intéressant, un siècle entreprenant, le 19e siècle, c'est le de l'industrie. Et la Tour Eiffel symbolise, au fond, ce triomphe de l'industrie à la fin du 19e siècle. L'industrie qui est parfois assez malmenée aujourd'hui. Qui aujourd'hui, malheureusement, souffre en France, en tous les cas. Mais c'est aussi, plus que ça, c'est aussi un symbole de Paris. Elle a incorporé, au fond, cette image de cette ville de pierre qui est à ses pieds, dans un monument métallique. Et je trouve que ce paradoxe est très intéressant et toujours stimulant à considérer. Alors vous allez entendre dans quelques minutes une des histoires rocambolesques dont la Tour Eiffel a été la protagoniste, un peu malgré elle. C'était dans les années 20, en 1925, très précisément. Alors Bertrand Lemoine, si on devait faire une photo comme ça de la Tour Eiffel dans le Paris de 1925, à quoi elle ressemblerait ? La Tour Eiffel, elle a 35 ans à peu près, en 1925, puisqu'elle est née en 1889, pour une grande exposition universelle qui célébrait précisément à la fois le triomphe de la République, le triomphe de l'industrie, la célébration de la Révolution française. On célébrait le premier anniversaire, le premier siècle. Donc tout un symbole, bien sûr. Mais 35 ans plus tard, cette tour, elle est toujours dans le paysage. Elle s'est un peu incorporée au paysage. Elle s'est aussi un peu banalisée, finalement. Beaucoup moins de visiteurs dans les années 20, autour de 500 000 visiteurs par an. Alors qu'en 1889, l'année même de l'Expo universelle, 2 millions de visiteurs. Aujourd'hui, 7 millions. Donc elle s'est banalisée. Les Parisiens la voient. Elle est toujours là dans le paysage parisien. Les artistes commencent à la regarder d'un autre œil, commencent à apprécier sa singularité, justement, son côté paradoxal, le fait que dans Paris, elle est un point de repère, visible de loin, et donc on la voit fleurir sur un certain nombre de tableaux, on la voit aussi dans des poèmes. Mais voilà, elle est là, dans ce paysage parisien, comme un objet dont on s'est habitué à la présence, mais qui n'a pas encore complètement acquis cette dimension symbolique qu'elle a aujourd'hui. Gustave Eiffel est mort depuis 2 ans, hein, 1923. Il a veillé à ce que son avenir soit assuré. Avant de mourir, son enfant. Oui, c'est son enfant. C'est une tour qui porte son nom. C'est assez rare, d'ailleurs, dans les grands monuments. Et cela, dès le départ. Et donc, il avait tout à fait conscience, au moment même où il la construisait et dans les années qui ont suivi, que cette tour allait lui assurer une postérité très durable. Et donc, il s'est employé, bien sûr, non seulement à conserver cette tour, à la faire fonctionner, à l'ouvrir au public, mais ensuite à lui trouver des usages utilitaires, pourrait-on dire, d'expériences scientifiques, par exemple, qui ont été menées sur la tour. Et c'est finalement dans les années 1905-1909 que la tour a montré son utilité en étant un support d'antenne de radio, 300 mètres de haut, ça fait une très grande antenne bien sûr, et donc on peut communiquer à très longue distance. Et donc l'autorité militaire qui cherchait bien sûr des moyens de communication faciles avec ses troupes sur les frontières de l'Est de la France, eh bien, a permis de consacrer la pérennité et l'utilité de la tour. Et en 1910, une concession a été renouvelée à Gustave Eiffel pour continuer à exploiter la tour Eiffel pendant 70 ans. Et ensuite, la ville de Paris a repris ses droits. La tour Eiffel va aussi aiguiser des appétits, on va l'entendre. Bertrand Lemoine, nous nous retrouvons dans une trentaine de minutes. Le temps d'écouter la tour Eiffel, l'escroc et le pigeon, un texte original écrit pour Autant n'emporte l'histoire par Corinne Klomp et réalisé par Sophie Aude Picon. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. En vrai, j'ai 126 printemps et pas une trace de rouille. Je ne grince pas, oui, enfin presque pas. Je ne penche pas, je ne tremble pas. On me croirait né d'hier. Officiellement, j'ai vu le jour le 31 mars 1889 pour une poignée de privilégiés à Paris, au Champ de Mars. Mais j'ai fait ma véritable entrée dans le monde le 15 mai 1889, le jour de l'inauguration de l'exposition universelle. Je passe sur les détails intimes de ma conception. Elle s'est déroulée en un temps record. 2 ans, 2 mois et 5 jours, grâce au génie enthousiaste de Gustave, mon obstiné de père. Depuis, je parade au cœur de l'une des plus belles villes du monde. Dans mon long corps de fer et de dentelle, je fais de l'effet, c'est clair. Au siècle dernier, un certain Roland Barthes a dit de moi « Regard, objet ». Symbole, la tour Eiffel est tout ce que l'homme met en elle, et ce but est infini. Ouais, bon, enfin bon, j'ai pas tout compris, hein. Mais en gros, je suis d'accord. Je suis un personnage, un voyage, à moi toute seule. Je fascine, je dérange, je rassemble. Je ne laisse personne indifférent. J'inspire les belles âmes. Les âmes sombres aussi, ça je reconnais, c'est un souci, mais bon. On ne choisit pas ses admirateurs, c'est pas... Monsieur Lastet, vous voilà bien songeur. Le regard perdu dans les profondeurs de l'océan. Do you miss Paris? Oui, je l'avoue. Ces cafés, ces jolies femmes, sa fameuse tour Eiffel. Elle ne devait pas être détruite il y a 2 ans? Non, il y a 3 ans, en 1909. Elle est en sursis, comme nous. Oh, quel optimiste! Vos pensées sont plus noires que le ciel. Vous, au contraire, vous rayonnez, Madame Edwards. Elisa. Cette robe vous va ravir, et ce bleu, assorti à la couleur de vos yeux. Flatteur. Mais pour notre dernière nuit à bord avant d'arriver à New York, je veux plus qu'un compliment. Elisa, je regrette, je crains que... Je connais vos craintes. Je me moque de vos regrets. Victor, vous ne pouvez plus refuser. Come on, just 1 heure, vous et moi. Soyez raisonnable, nous avons déjà eu cette conversation. Oui, hier, avant-hier et le jour d'avant, j'ai compris. Vous n'êtes pas comme les autres. Malgré votre jeune âge, vous êtes une professionnelle. Vous n'avez pas embarqué sur ce bateau pour voyager, mais pour vous livrer avec délice à votre vice, right? Pas tout à fait. Je préfère parler de passion. Ok, passion. Très bien. Comme vous voulez. Je prends le risque. Je n'ai jamais pratiqué avec une spécialiste. Que des amateurs, my God, si vous saviez quel ennui. Je rêve de tenter l'aventure avec vous. Continuez à rêver, Elisa. Croyez-moi, c'est moins périlleux. Ça m'est égal. Je suis veuve, je suis riche, vous êtes là. Et vous oubliez une chose, darling. Laquelle ? J'ai une certaine expérience. Je pourrais vous surprendre. C'est peu probable, je vous l'ai dit, mais c'est possible. Parfait. Let's go. Eliza Edwards n'est pas une aventurière, juste une millionnaire. Avant la Première Guerre mondiale, elle fait partie de ces héritières désœuvrées qui trompent leur ennui, et parfois leur mari, écumant les mers et exhibant leurs diamants sur les transatlantiques, fument cigarette au vent. À bord de ces énormes paquebots à vapeur, les traversées sont interminables. Chaque nouvelle rencontre est vécue comme un jeu, l'occasion rêvée de connaître le grand frisson. Du haut de ses 22 ans, Victor Lustich sait tout cela, par cœur. Il n'est pas riche, mais il a du temps, beaucoup de temps, pour choisir avec soin son costume et sa cravate du soir, pour cultiver son air mystérieux qui lui permet d'observer, mine de rien, ses compagnons de voyage, avant de les attirer dans ses filets. Lisa, je vous en supplie, dites quelque chose. J'en étais sûr, vous m'en voulez. Quel idiot j'ai été d'accepter. C'en est fini de notre amitié. Darling, remettez-vous. Buvez du champagne. Il en faut plus pour me chiffonner. J'ai joué, j'ai perdu. Soit. Malheureuse au jeu, heureuse en amour. Cette partie de poker m'a épuisée. Bon, je vous dois combien? 30 000 dollars. Désolé. Seulement? Je m'en sors bien. Tenez, voilà déjà 8 000. Attendez-moi. Je vais chercher les restes dans mon cabine. Et n'ayez pas peur, je reviens. Pour qui me prenez-vous? Je suis pas un goujat. Un goujat, cela se discute. Un escroc, cela ne fait aucun doute. Victor Lustich est né en 1890 en Autriche-Hongrie. Issu de la bonne bourgeoisie, très cultivé, il parle 5 langues, dont le français sans le moindre accent. Élégant, séduisant, fin psychologue, il a l'art de dénicher les failles de ses victimes. Si son patronyme, Lustig, signifie « amusant » en allemand, l'adjectif qui illustre au mieux sa qualité d'escroc est « génial ». À partir de 1920, Victor Lustig s'installe aux États-Unis. Il se fait appeler comte et multiplie les arnaques en tout genre. Au printemps 1925, il commence à se lasser de New York. Il cherche un partenaire, un vrai professionnel, comme lui. Sucre ? Oui, un sucre, merci. De quel travail s'agit-il? Vous le saurez en temps voulu, Dan. Peu importe, je suis l'homme qu'il vous faut. J'ai été éduqué à bonne école. Par Nicky Einstein, je sais. Le dieu de l'escroquerie. Le grand homme. Il m'a tout appris. Moi, je veux apprendre encore. Me perfectionner à vos côtés. Emmenez-moi à Paris. Ma mère était française, je parle couramment la langue. J'en conviens, c'est un atout. Victor, regardez-moi. Qui voyez-vous? Eh ben, je vois Dan Collins. D'accord, et après? Un homme jeune. Beau. D'allure sportive. Avec un air naïf. Gentil. Innocent, pas vrai? Pas faux. Mais ce qui ne se voit pas, à moins de le savoir, c'est que je n'ai aucune morale. Aucune. Je serais capable d'escroquer ma propre fille. Intéressant. Quand pouvez-vous quitter New York? Demain. Tout de suite. Mes valises sont prêtes. Une dernière chose. Vous avez la fâcheuse habitude de trahir vos associés. Pas du tout. Je vous jure que... Ce n'est pas une question. C'est une affirmation. Ne jouez pas à ça avec moi. Sous mon allure distinguée, je sais me montrer... brutal. Marché conclu? Marché conclu. Dan Collins, de son vrai nom Robert Arthur Tourbillon, n'est pas un être fréquentable. À 15 ans, dans le cirque où il se fait engager comme assistant dompteur, il gagne vite le surnom de cinglé. Habitué à frapper sur les barreaux des cages pour exciter les lions, un jour il déclenche une crise de folie meurtrière. Bilan: quelques morts chez les fauves et une grosse panique côté public. Arrêté à 36 reprises durant sa carrière, il n'écope au final que de 5 condamnations. Sa gueule d'ange inspire confiance et lui ouvre grand les portes. Il réussit même à escroquer son avocat. Au printemps 1925, lorsque Lustig recrute Collins, celui-ci trempe dans de sordides affaires de chantage et de prostitution. Arrivé à Paris, les deux hommes s'installent dans une suite de l'hôtel Crillon. Lustig inscrit Collins sous le nom de Monsieur Dante, qu'il présente comme son secrétaire particulier. Une fois installés, les deux compères s'en vont flâner dans la capitale, le nez au vent. Le Paris de 1925, impossible de l'oublier. La ville est comme un gros pot de miel. Elle attire la fête, le bonheur et l'amour. Autour de moi, ça grouille, ça chante, ça danse, ça s'embrasse et ça swing. Les années folles, les années brinzing, oui, les années barjot. Avec mes yeux de géante, j'observe ce joli monde à la loupe. Les femmes surtout. Oh, les parisiennes en ce temps-là. Oh, les jupes raccourcissent, elles s'épanouissent comme des fleurs avec leurs colliers de perles et leurs petits chapeaux cloches qui leur donnent l'air coquin. Moi, je n'ai pas de chapeau, j'ai le drapeau français dans le genre « ça en jette ». À l'époque, à force de respirer toutes ces vapeurs de liberté, de gaieté et d'alcool, j'ai souvent la tête qui tourne. Alors, je m'offre une cure de verdure, côté Champ de Mars. Ah. Après, je regarde la Seine caresser l'île des Cygnes. Ah, tiens, voilà ma copine, la statue de la liberté. Coucou, ça va? Et puis, c'est plus fort que moi. Je me remets à espionner du côté des Champs-Élysées. Je me souviens. C'est là que je les ai vus pour la première fois. Les deux gugus. Mais oui. Il est fondu. Pardon? Votre morceau de sucre? Vous allez finir par casser la tasse. Ah, désolé. Dan, ouvrez grand les yeux. Profitez de la plus belle avenue du monde. Regardez toutes ces ravissantes créatures qui déambulent. Souriez! Et laissez-moi lire mon journal. Oui, oui. Désolé, Victor. Quoi encore? Rien. Paris, c'est... C'est bien joli, mais quand est-ce qu'on travaille? C'est quoi votre plan? Elle est où, notre cible? Je n'en sais rien. J'attends. Hein? Et comment ça, vous attendez? Vous attendez quoi? Le déclic. L'occasion. Le pigeon. Le pigeon? Vous avez oublié la maxime de notre cher Einstein. La victime doit se présenter d'elle-même avec... Avec... Avec le désir de courir un risque. Voilà. Quand même, Victor, ce serait bien de... Patience! Reprenez un café. Ou plutôt non. Une tisane. Pour vous calmer. Garçon! Oui, monsieur. Une camomille. Ces deux-là, j'aurais dû m'en méfier. Avec leurs costumes impeccables, leurs cheveux gominés, ils avaient l'air trop nets pour être honnêtes. Mais bon, difficile d'éviter les mauvaises rencontres. Surtout dans les périodes où on se sent fragile. En 1925, et j'ai 36 ans, j'ai beau être adulé par un tas d'artistes avec, bon, plus ou moins de talent, bref. Mon avenir est incertain. Il est vrai qu'au départ, mon existence était programmée pour 20 ans. Eh oui, je devais tirer ma révérence après l'exposition universelle. J'ai survécu grâce à papa. Il a tout de suite compris l'essentiel. Pour rester debout, il fallait que je sois utile. Il m'a déguisé en laboratoire d'expérience et d'observation scientifique. Il m'a greffé des baromètres, des antennes. Des horreurs. Entre nous, je m'en serais bien passé. Mais l'important, c'est d'exister. Seulement voilà. En 1925, papa n'est plus là pour me défendre. Et je ne suis pas en forme. Je fatigue. Je vieillis. J'ai besoin d'un coup de jeune. ça va coûter cher, forcément. Quand on aime, on ne compte pas, paraît-il. Eh bien, l'État français, lui, il compte. Il a des oursins dans les poches. Tandis que la rouille gangrène à toute vitesse mon corps de rêve, une idée folle s'apprête à germer dans un cerveau malade. On sent. Pardon, c'est plus fort que moi, je... Ça y est, Dan, on le tient. Qui ça? Notre pigeon, pardi. Cette fois? Qui est-ce? J'ignore son nom, mais je peux vous dire qu'il dirige une entreprise de récupération de ferraille. Un ferrailleur? Ah bon? Et vous savez ce qu'on va lui vendre? Non. Chemin de fer? Trop commun. On va lui vendre... la tour Eiffel. Quoi? La tour Eiffel? Chut! La tour Eiffel? Mais vous plaisantez? En affaires, je ne plaisante jamais, mon cher. Enfin, Victor, vous êtes fou, c'est trop gros. Détrompez-vous. Plus c'est gros, mieux ça passe. Lisez cet article-là. On y évoque la tour et sa possible démolition. Mais quand bien même, les Français ne seront jamais d'accord. Les Parisiens encore moins, ils l'adorent. Elle est populaire, soit, mais elle ne fait pas l'unanimité. Tenez, regardez. Là, le déshonneur de Paris. Sur ce point, il a raison, le loustique. À l'époque, je plais, bien sûr. Mais pas à tout le monde. Tant mieux. Tout plutôt que l'indifférence. Et puis j'ai l'habitude. J'ai déjà été l'objet d'attaques ignobles. Avant ma naissance, une poignée d'écrivains et de soi-disant artistes s'est mobilisée contre moi. Ah si, si! Ils m'ont insulté, traité d'odieuse colonne de tôle boulonnée, et j'en passe. D'après eux, j'allais faire le déshonneur de Paris. Ben tiens! Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces gens-là n'étaient pas des visionnaires. Et encore moins des poètes. En ce printemps 1925, ce n'est pas un poème que Victor Lustig s'applique à rédiger, mais un courrier, très officiel. Un de ses contacts parisiens, spécialisé dans les faux passeports, lui fabrique dans les meilleurs délais du papier à en-tête de la ville de Paris. Se faisant passer pour un haut fonctionnaire mandaté par l'État français, l'escroc adresse sa lettre à 5 des plus gros ferrailleurs des environs de la capitale. Il les invite à venir discuter avec lui, en toute discrétion, d'un contrat important. Le rendez-vous est fixé courant avril, dans sa suite de l'hôtel Crillon. L'endroit constitue un camouflage idéal. La tour Eiffel est en vente. Comment? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est impossible, voyons. Répétez un peu pour voir. Messieurs, de grâce, reprenez vos esprits. Parfois la vérité sonne faux, elle n'en demeure pas moins la vérité. Une grosse farce, oui. Chut, j'essaie de parler. Merci. Aussi insensé que cela puisse paraître, la ville de Paris a bel et bien décidé de vendre la tour Eiffel. Au plus offrant. Alors c'est vrai? Pas croyable. Je sais le choc que vous procure cette annonce. Vous comprenez désormais le caractère mystérieux du courrier que je vous ai adressé. Je m'en excuse. Et je vous remercie, au nom du gouvernement français que j'ai l'honneur de représenter, d'avoir répondu présent à mon invitation quelque peu cavalière. Sur cette affaire, Monsieur Dante et moi-même sommes tenus au secret... Afin d'éviter les mouvements de protestation. Nous avons des consignes strictes. Émanant du président Doumergue en personne. Oui, oh bah, celui-là, protestant et célibataire, tout pour plaire. Quel rapport? Oh, taisez-vous donc. Ouais, je me tais, mais je n'en pense pas moins. Ouais, si tu... Dites, il n'y a pas moyen de la garder, la dame de fer? Ouais, je m'y suis habitué. Moi aussi. Mais la raison doit l'emporter. En homme d'affaires avisé, vous lisez les journaux, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la tour Eiffel n'est plus qu'un gouffre financier. Elle doit être démontée au plus vite. Par des hommes de confiance, des hommes comme vous. Exact, monsieur Dante. Messieurs, la France ne vous a pas choisi par hasard. Mais pour votre réputation d'efficacité, de probité et de sérieux. En ce beau jour de printemps, je suis heureux. Car l'un d'entre vous va non seulement réaliser une excellente opération, mais rendre un fier service à la ville de Paris. Et qui va empocher les bénéfices? Gaston Doumergue? Non. Non, monsieur Poisson. L'armée française. Oh, ben, Et une fois que le machin sera démoli, là, ça fera combien de ferrailles à récupérer ? Ça coûte tout ça. Ah, 7000 tonnes. Wow. Ah ouais. Oh, ça coûte. Ah ouais. Rectificatif. 7300 tonnes de charpente métallique. Quitte à faire l'inventaire du machin, autant être précis. Amis ferrailleurs, oui, vous, la joyeuse bande de lâches qui rêvent de me voir à terre, qui spéculent sur ma chute, vous, les charognards, ne vous gênez pas, servez-vous, prenez tout. Mes poutres et poutrelles, mes entretoises, mes rivets, ils sont 2 500 000. Je sais, je les recompte le soir avant de dormir. Prenez mes piles, mes piliers, mes fidèles arbalétriers, mes oreilles, mes masques, mes membrures, mes 29 panneaux numérotés. N'oubliez pas mes ascenseurs. En prime, je vous offre... Ah, mais si, j'insiste. Ne refusez pas, je vais me vexer. Je vous offre la foule de tous mes visiteurs. Bon débarras. Parmi les visiteurs qui se rendent à la Tour Eiffel en cet après-midi d'avril 1925, Victor Lustig et son complice Dan Kolitz, alias Monsieur Dante, conduisent les 5 ferrailleurs au Champ de Mars. Lustig fend la longue file des touristes qui se pressent pour découvrir le célèbre monument. Avec son culot habituel, il présente au guichet d'entrée ses faux papiers de fonctionnaire d'État. Impressionné par son autorité, le gardien le laisse passer sans payer. Lustig désigne ensuite Collins et les ferrailleurs. Ces messieurs sont avec lui. Ensemble, ils gagnent le troisième et dernier étage de la Tour Eiffel. Et derrière les Beaux-Arts, là, vous apercevez le Dôme des Invalides. Splendide, avec ce rayon de soleil. Eh bien, monsieur Poisson, vous testez la solidité de la plateforme. Vous êtes pressé de redescendre. Je suis épaté. J'ai beau sauter, rien ne bouge. Zéro secousse. Et non, le gars qui a construit ce machin, c'est pas un manchot. C'est quoi, là, la grosse cloche au loin, à gauche? La coupole du Panthéon. L'endroit où celui qui aura le privilège de décrocher notre contrat reposera pour toujours, qui sait? Parmi les grands hommes. Quelle vue! Mais quelle vue! C'est extraordinaire. Et qu'est-ce qu'ils fabriquent, les deux ouvriers près de l'ascenseur avec leurs pinceaux? Ils vont repeindre la tour? Où donc? Ah là, en bas. Mais non, bien sûr que non. Ce ne sont pas des pinceaux pour peindre. Ouais. Pourquoi faire alors? Se poudrer le nez? Amusant. Non. Ils servent à nettoyer. Un vrai travail de fourmi, messieurs. Tout doit se faire à la main, vous imaginez? Ah bon? On nettoie avant de démolir? Bah depuis quand? C'est pas logique. Au contraire. Il s'agit de permettre à tous ceux qui aiment la Tour Eiffel de la voir sous son plus bel aspect jusqu'à son dernier jour. Une façon d'honorer sa disparition future, de la rendre digne. C'est une belle idée. N'est-ce pas, hein? Romantique, même. Complètement tordu, oui. Messieurs, je regrette, mais Monsieur Dante et moi-même, nous devons nous rendre au ministère. Il faut quitter les lieux. Voilà, par ici, messieurs. Si vous voulez bien me suivre... Voilà, par ici. J'attends vos offres au crayon d'ici une semaine. Souplissez-les. Je compte sur votre discrétion. La discrétion? Comment dire? Ce n'est pas la qualité première de mes visiteurs. J'ai le chic pour attirer les plus exubérants, les plus fêlés. Sans doute à cause de ma grande taille. Elle leur monte à la tête. Elle leur inspire des défis débiles. Le pire, dans mon souvenir, c'est... l'homme-oiseau. C'était un certain Reichelt, un tailleur. Il s'est jeté de mon premier étage avec un vêtement parachute de son invention. Le pauvre homme est mort de peur dans les airs avant de s'écraser par terre. Ah, voilà le genre d'exploit que je collectionne. Encore heureux, je n'en suis pas la victime. Mais au printemps 1925, à cause de ce pervers de Lustig, j'ai peur. Ah oui, peur pour moi. La nuit, j'étouffe, je fais des cauchemars. Je rêve que tous les ferrailleurs de France et de Navarre me désossent et m'écartèlent en riant. Je vois la femme Loustiche et son complice ripailler sur ma dépouille encore chaude. C'est idiot, mais ça m'obsède. Qui sait ce que ces crétins sont capables d'inventer pour me nuire ? Au crayon, monsieur ! Quelle bande d'imbéciles ! Une quinte-flush royale ! Ah, Victor, chapeau bas ! Belle leçon ! On a eu chaud vers la fin avec les peintres, mais ils ont tout gobé, tout ! Vous avez été magistral. Vous n'étiez pas mal non plus, monsieur Dante. Merci. On va pouvoir sabrer le champagne. Patience. Attendons que notre victime se manifeste. Ça y est, vous l'avez choisi? Bien sûr. Mon cher Dan, j'ai le plaisir de vous informer que notre pigeon se nomme Poisson. Comment? Mais c'est le plus fouineur. Il vient d'un milieu modeste, c'est évident. Il s'est fait une place au soleil à force de travail et de persévérance. Résultat, il est très riche, mais... Mais ? Cela ne lui suffit pas. Il n'est pas reconnu par ses semblables, les riches d'origine, qui le méprisent, le jugent grossier. Il en souffre, le bougre. S'il veut réussir à faire partie du cercle, il doit les impressionner par un coup d'éclat. Pour lui, la tour Eiffel est une occasion en or. Si vous le dites. Il faut le laisser mûrir. Pardonnez ma trivialité, mais la tentation est grande et l'occasion trop belle... Le poisson va finir par mordre l'hameçon. Quelques jours plus tard, les cinq ferrailleurs envoient comme prévu leur proposition à Victor Loustiche au crayon. Aucun d'eux n'émet le moindre soupçon. Monsieur Dante informe aussitôt André Poisson que son offre a été retenue. Tout frétillant, celui-ci demande un délai pour lever les fonds nécessaires. L'affaire est sur le point de se conclure. Enfin, ma amour, j'ai dit oui. Eh ben, dis non. Et mange ta soupe. André, fais confiance à mon intuition. Une femme, elle sent ces choses-là. Hein. Et moi, ton affaire, ben, je la sens pas. Pars-tu le marché, tu veux hypothéquer notre vie, là. C'est temporaire. Dès que j'aurai écoulé la ferraille, je lève l'hypothèque. Et je t'achète une autre villa, plus grande. Toi, ta folie des grandeurs. Mais, m'amour, le monde entier va parler de nous. De toi, la femme de l'homme qui a acheté la tour Eiffel. En attendant, je suis la femme d'un homme auquel on demande un gros chèque certifié avec le nom du bénéficiaire laissé en blanc. Oh, c'est louche. C'est pour pas que ça s'ébruite. Par discrétion. Ou par entourloupe. Pourquoi t'as rencontré ce... Ce soi-disant haut fonctionnaire à l'hôtel, et pas à son bureau. Hein? Pourquoi? Je sais pas, m'amour. Ouais, et ben quand on sait pas, on n'achète pas. Un point, c'est tout. Mange. Quelques cuillères à soupe plus tard, André Poisson se fait plus méfiant. Le travail de sape de sa femme a porté ses fruits. Lorsque Monsieur Dante le contacte pour finaliser les derniers détails de l'affaire, le ferrailleur lui pose un tas de questions. Notamment sur l'intitulé exact de sa fonction, ainsi que celle de son supérieur, au sein de l'administration française. Inquiet, Collins prévient son associé. C'est la catastrophe. Leur pigeon risque de s'envoler. Il en faut plus pour émouvoir Victor Loustiche. Séance tenante, il convoque au crayon l'acheteur potentiel de la tour Eiffel. Messieurs, un cognac? Sans glace. Merci, monsieur Dante. Un cognac pour vous aussi, monsieur? Sans façon. Vous ne voulez pas trinquer? À notre collaboration. Trop tôt pour boire. 3 heures d'après-midi, c'est une heure acceptable. Je parlais de notre affaire. Elle n'est pas encore faite. Certes. De mon côté, j'ai le contrat. Le voici. Vous avez le chèque? Au chaud, dans ma poche. Pour l'instant, il y reste. Je comprends. C'est un investissement important qui demande réflexion. Monsieur Dante, vous pouvez retourner au bureau. Je vous rejoins d'ici une heure. À vos ordres. Monsieur. Un cigare, monsieur Poisson? Non plus. Mais allez-y, ne vous gênez pas. Merci. Il nous reste un détail à régler. Ce n'est pas un secret. L'État français ne se montre guère généreux avec ses collaborateurs. Il est donc normal, enfin, d'usage, lorsqu'un fonctionnaire conclut une transaction importante, de le gratifier d'une... D'un pot de vin, quoi. Bon, vous êtes direct. Je préfère parler de commission. En espèce, hein ? Évidemment. C'est pour ça qu'on ne se rencontre jamais à votre bureau ? Oui, trop voyant. Moi qui vous croyez malhonnête. Ah, cette fois, j'ai plus l'ombre d'un doute. Vous êtes bien celui que vous prétendez être. Pardon ? Oh, je suis pas né de la dernière pluie. Le monde des affaires, la misère des fonctionnaires, tout ça, je connais par cœur. Ah, attendez voir. Ah. Elle vous suffit, cette commission ? Amplement. À la bonne heure. Maintenant, passons au plat de résistance. Tenez, mon chèque. Merci. Monsieur Poisson, je suis ému. Vous voilà entré dans l'histoire de France. Vous venez de conclure l'affaire du siècle. Je sais. Et il se laisse boire, votre cognac ? Ah, oui, il se laisse boire. On ne connaît ni le montant du chèque, ni celui du pot de vin remis à Loustiche par André Poisson. Nul doute qu'il a su se montrer charitable. Une fois le ferrailleur parti avec son faux contrat en poche, Victor Loustiche fonce à la banque encaisser le chèque avant la fermeture. Puis il rejoint Dan Collins qui l'attend avec leur valise dans une voiture. Les deux escrocs sautent dans un train Gare de l'Est, direction l'Autriche. Pas possible. Incroyable! Qu'y a-t-il, mon ami? Une mauvaise nouvelle? L'opéra de Vienne fait grève? Bientôt un mois qu'on a quitté Paris et toujours rien sur notre exploit dans les journaux français. Et pourquoi? La raison est simple. Poisson est muet. Une vraie carpe. Non, il n'a rien dit. Comme la plupart des victimes d'escroquerie, il a honte, peur de devenir la risée de tous. Dès qu'il a découvert la vérité, il a choisi son camp. Le silence. Je vous parie qu'il n'ose pas en parler à sa femme. Ah, viens par là, m'amour. Ça, c'est la vue que je préfère, là. Face à Grenelle. Viens voir. J'ai froid. Je veux descendre. Allez. Alors, regarde. Ça, c'est le côté des couchers de soleil. Ça te plaît ? Avec du soleil, peut-être. Ah si, c'est beau, je t'assure. C'est magnifique, hein. Je me dis que... C'est bête, non ? Quoi ? Qu'est-ce qui est bête ? Je comprends rien. Non, mais... Au fond, je trouve ça... dommage, quoi, de s'en débarrasser du machin, là, enfin, de la tour, quoi. Hein ? Pas toi ? Ah, oh non, pas du tout, pas du tout. Je la trouve tarte, moi, ta tour Eiffel. C'est chouette. Ouais. Bon, quand est-ce que tu la récupères, la ferraille ? André ? Ah, bientôt, bientôt. Quand ? Mais bientôt. Profite de la vue, là. C'est bon, c'est bon. C'est... Encore des touristes ? Ça pourquoi pas, tu les laisses monter, ces gens ? Oh, ça suffit. Elle est à nous, la tour, oui ou non ? André ? Mais oui, mais bien sûr, m'amour. Elle est à nous. Bah, rien qu'à nous, hein. Je n'appartiens à personne. Je suis à tout le monde. Aujourd'hui, mon existence n'est plus remise en question. Au contraire, je suis cajonné, bichonné, célébré, pourvu que ça dure. On m'aperçoit de loin, comme un phare, depuis une fenêtre perchée sous les toits, à bord d'un avion qui atterrit, ou à l'improviste, au détour d'un boulevard. Petit clin d'œil complice. Dans ces heures fastes ou dans ces heures noires, Paris s'accroche à moi. Je suis l'ami fidèle. J'éclaire, je guide, je rassure. Je suis là, toujours. C'était La Tour Eiffel, l'escroc et le pigeon de Corinne Clomp avec Jean-Baptiste Verquin, Benoît Carré, Charlie Nelson, Martine Chambachet, Caroline Binder, Juliette Plumcock-Mesch, Thomas Dalle, Pascal Tocatlian et les voix de Simon Fraude et Ismaël Ruggiero. Bruitage Patrick Martinache, prise de son, montage et mixage Valérie Lavalard et Mathieu Nombeau-Poati, assistante à la réalisation Clémence Grosse, réalisation Sophie Haute-Picon. Dans quelques minutes, nous continuons la discussion sur la Tour Eiffel avec Bertrand Lemoine. Autant en emporte l'histoire jusqu'à 22h sur France Inter. N'oublie jamais personne, n'oublie rien, disait-elle en chemin. S'il faut jeter sa vie au-delà des orties, où est la poésie? À chaque jour sa peine, ne dis pas que tu l'aimes. À chaque nuit sa joie, blottie au creux des bras. Une lance enflammée, mais où est la beauté? À chaque jour sa peine, ne dis pas que tu l'aimes. À chaque nuit sa joie, blottie au creux des bras. Amazon par la Maison Tellier dans Autant n'emporte l'histoire sur France Inter. Une émission réalisée par Antoine Abrowski, assistée de Christiane Alain Favre. C'est Djoubaka qui a choisi les musiques et à la technique Bruno Poncelet. Bertrand Lemoine, donc, je le rappelle, vous êtes architecte, ingénieur, historien d'art, spécialiste de la Tour Eiffel. Vous connaissez tout sur la Tour Eiffel, mais je suis sûr que la voix de la Tour Eiffel, vous ne l'aviez jamais entendue. Oui, la voix d'une vieille dame un peu chevrotante, parce que c'est effectivement aujourd'hui une vieille dame de fer, mais à l'époque, dans 1925, c'est encore une jeune femme, si on peut qualifier comme ça, même si on commence précisément à la regarder un peu différemment. Elle est au tournant peut-être justement de sa jeunesse. Vous connaissiez forcément l'histoire de Victor Lustig, l'escroc qui a voulu vendre la Tour Eiffel. Pour vous, c'est une histoire qui est liée au contexte, ce contexte justement de 1925? Oui, je pense que Victor Lustig arrive, c'est un escroc de haut vol certes, avec tout son talent, mais il arrive au bon moment pour faire passer son histoire. Il arrive au moment des années folles, au moment de cette fête à Paris, de ces années exubérante, ces années du jeu aussi, de, peut-être des risques qu'on prenait. Et puis, il arrive aussi un moment où la tour a déjà subi un certain nombre de travaux. En 1900, il a mis des nouveaux ascenseurs, on a refait tout le premier étage. Mais il faut l'entretenir et il y a moins de visiteurs que peut-être on pouvait l'espérer. Et donc, l'idée que la tour, qui était tout de même en concession au successeur de Gustave Eiffel, à la société qu'il avait créée, mais dont le terrain sur lequel elle est construite appartenait évidemment, effectivement, à la ville de Paris, cette tour pouvait être, c'était relativement plausible qu'elle puisse être considérée comme un objet un peu désuet qu'il fallait peut-être détruire. Évidemment, si c'est possible aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on ne pourrait pas l'imaginer. On aurait sans doute pas pu l'imaginer aussi 20 ans plus tôt, au moment où Eiffel était encore aux commandes, bien entendu, et où il gérait la concession de sa tour. Donc il y a un moment de cette histoire, 1925, qui est assez approprié pour qu'un escroc comme Lustig puisse arriver à faire passer cette incroyable escroquerie. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé au pauvre Monsieur Poisson ? Je pense que Monsieur Poisson a dû se présenter un matin avec son matériel pour découper la tour et qu'on l'a gentiment éconduit. Pauvre Monsieur Poisson. Est-ce qu'il y a eu d'autres histoires un peu folles liées à la tour Eiffel ? On a l'impression qu'elle quand même, elle suscite des délires un peu d'imagination. Oui, il y a l'histoire du Frank Reichelt, quand même, qui est incroyable. Oui, Reichelt, qu'on évoque là, dans la scène, effectivement, est un homme qui avait cru inventer une sorte de parachute, enfin de combinaison qui lui permettait, qui lui aurait permis, avec des sortes d'ailes déployées, de planer dans l'air. Il avait décidé de tester sa combinaison en sautant du premier étage. Et ce saut a été filmé, on le voit d'ailleurs hésiter à sauter, et puis il doit se dire devant les caméras qu'il faut y aller. Et malheureusement pour lui, il s'écrase. C'est un geste évidemment... pathétique, terrible. Très pathétique. Et peut-être que la tour, précisément, est avec sa démesure, avec son côté extraordinaire, induisait ce type aussi de comportement. On est passé en avion aussi, entre les piliers, enfin, des gens ont pris des risques autour de la tour, parce que peut-être c'est un monument de l'exploit qu'il symbolise en lui-même, par sa grande hauteur, par sa technique, et puis en même temps qui peut-être induit des comportements tout à fait atypiques, eux aussi. Quand on regarde la tour Eiffel, encore aujourd'hui, Bertrand Lemoine, je trouve qu'on est toujours surpris par cette forme, puis l'audace de cette construction, cette immensité, comme je le disais tout à l'heure, cette incongruité même. Et j'essaie d'imaginer ce que les gens à l'époque pouvaient penser. Aujourd'hui, on est assez habitué à avoir des monuments hauts, on a des gratte-ciel, on a des monuments très élevés. Mais en 1889, ça devait être quelque chose de fantastique. Comment est-ce que cette idée est née dans la tête de Gustave Eiffel ? L'idée de construire un monument aussi haut, 300 mètres, qui est équivalent à 1000 pieds, qui est un chiffre un peu symbolique, c'était l'idée de construire le monument le plus haut du monde, presque deux fois plus haut que les plus hauts monuments qui existaient, les pyramides d'Égypte, les cathédrales, l'obélisque de Washington, font à peu près la moitié de sa hauteur. Et donc d'étonner le monde par cette capacité à dépasser, à crever en quelque sorte tous les plafonds de hauteur. Et pour ça, Eiffel va imaginer avec ses ingénieurs que Klein et Nouguier, il faut bien les citer, parce que c'est eux quand même qui ont inventé cette forme très particulière, très, très surprenante. Cette forme un peu incurvée, qui en fait est une forme issue des considérations physiques et mathématiques. Pourquoi ? Parce que la tour, elle pèse 7300 tonnes, on l'a dit, elle doit résister à son propre poids, mais pour ça elle pourrait être verticale. Mais elle doit résister aussi aux efforts du vent, et le vent a tendance à renverser, à pousser horizontalement la tour. Et pour précisément récupérer ces efforts du vent et les transmettre au mieux dans les piliers, eh bien on a imaginé de courber ces piliers pour que au fond, la force horizontale du vent se transmet petit à petit dans la diagonale des quatre arêtes qui composent la tour. Donc c'est une forme vraiment mathématique dont Eiffel lui-même reconnaissait en quelque sorte la beauté intrinsèque en disant « c'est pas moi, c'est cette forme curieuse, eh bien, elle est issue directement de ces considérations scientifiques ». Souvent imitée d'ailleurs dans pas mal de petites tours Eiffel qui existent par-ci par-là dans le monde, mais jamais dépassée parce que, encore une fois, c'est une forme presque abstraite issue de considérations liées au calcul même de la forme de la tour. Elle est l'expression d'une confiance dans l'avenir, d'un certain nationalisme de l'époque par rapport à l'Allemagne qui avait annexé l'Alsace et la Lorraine. C'est tout ça, c'est le progrès, la confiance dans le progrès, dans le... Oui, il y a une double confiance, on peut dire, il y a une triple même. Il y a la confiance dans les progrès techniques et scientifiques qui vont mener donc à des progrès non seulement matériels, mais à des progrès, je dirais, de bien-être pour l'humanité. C'est propre du 19e siècle et du 19e siècle industriel. Et donc avec cette foi presque aveugle dans l'avenir de ce point de vue-là. Il y a la confiance aussi d'une république jeune, Elle a mis longtemps à s'instituer en France. Elle avait une quinzaine d'années, en 1889, de manière durable. Et donc, on célèbre aussi l'anniversaire de la Révolution française, donc d'un mythe, au fond, fondateur de l'identité nationale française, et avec beaucoup de confiance, en pensant que cette République va durer, ce qui a été le cas. Et puis, la confiance personnelle de Gustave Eiffel, qui est plus que la confiance, qui est quand même une sacrée audace de penser que, avec son expérience de constructeur métallique, il a construit des ponts, des structures métalliques, bien sûr, avec ses équipes, ses ingénieurs, ses ouvriers, eh bien, il va pouvoir dépasser tout ce qui a été fait, simplement en allant un peu plus loin, en extrapolant en quelque sorte la technique qu'il maîtrisait parfaitement. Et pour ça, il fallait non seulement une confiance incroyable en soi, il fallait pouvoir aussi défendre ce projet face à l'opinion, l'imposer, je dirais, dans le contexte de la préparation de l'exposition, et puis le mener à bien, bien sûr, avec son entreprise, ce qu'il a fait d'une manière absolument magistrale. Aujourd'hui, est-ce que c'est pensable qu'on construise un monument comme ça, qui ne serait pas directement utile, qui aurait juste vocation à être un symbole ? C'est quand même quelque chose d'ahurissant. En 2016, c'est imaginable, ça ? Il y a beaucoup de monuments, tout de même, dans le monde, qui sont des purs symboles. Je ne parle pas de statues, mais simplement des monuments abstraits qui peuvent être des points d'observation, par exemple. Parce que la tour n'est pas seulement le monument le plus haut du monde à son époque, c'est aussi un monument sur lequel on peut monter. Ce n'est pas juste un mât, ce n'est pas juste quelque chose de... L'abstrait, c'est quelque chose tout de même qui essaie de pouvoir découvrir l'incroyable paysage d'un Paris qui s'est transformé depuis quelques années, en 1889. Le Paris nouveau, au fond, est là déjà sous les pieds de la tour. Donc, cette dimension, je dirais, gratuite, elle se retrouve aujourd'hui tout de même dans beaucoup de monuments, mais pas à cette échelle peut-être. Et c'est ça qui est assez incroyable. Peut-être l'exposition universelle ou les expositions universelles ont été des vecteurs, et ce sont toujours d'ailleurs aujourd'hui, de puissants, de dépassement en quelque sorte, d'inédits, d'exploits, qui est là aussi pour étonner les foules et en même temps peut-être dépasser les moyens que la technique offre aux hommes. On l'a vu après les attentats du 13 novembre, tous les grands monuments parisiens sont illuminés de bleu, blanc, rouge, l'Arc de Triomphe, l'Institut, le Louvre et tant d'autres. Mais c'est la Tour Eiffel qui s'est imposée comme le symbole du Paris outragé, de la France même, blessée, mais qui reste debout. Ça vous étonne ? Donc c'est peu surprenant que cette tour, avec cette illumination bleu, blanc, rouge, ait été le réceptacle, en quelque sorte, de ce sentiment identitaire, ce sentiment, en tous les cas, unitaire, qui s'est manifesté après ces attentats. La tour est aujourd'hui, et c'est assez paradoxal, toujours le symbole de Paris et de la France, un symbole un peu ancien déjà, un symbole qui est une structure métallique qui est, quand on la regarde de près, au fond assez datée. On reconnaît bien le type de construction au XIXe siècle. Mais elle a acquis, au fil des ans, ce caractère tout à fait intemporel, presque éternel, qui est le propre des symboles. Les symboles, au fond, ne vieillissent pas. Les symboles, simplement, s'adaptent à la réalité qu'ils représentent. Et c'est cette réalité qui évolue. Et le symbole lui-même, eh bien, peut être abstrait, d'autant plus que la tour se résume, au fond, à deux, on peut la dessiner avec deux petits traits courbes, un petit trait horizontal. On a tout de suite reconnu la tour. C'est ça la puissance aussi de ce symbole extraordinaire. Merci beaucoup Bertrand Lemoine, longue vie à la Tour Eiffel. Je rappelle que vous êtes l'auteur, entre autres, de la fantastique histoire de la Tour Eiffel, parue l'année dernière aux éditions Ouest France. Merci. Autant n'importe l'histoire, c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Vous pourrez aussi visionner sur le site la mésaventure dont nous parlions de Franz Reichel et de son parachute, filmé en 1912. À réécouter aussi les dernières émissions Victoria et Teresa suffragette et Apollinaire a volé la Joconde. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Soro Solo pour l'Afrique en solo. La semaine prochaine, dans Autant n'importe l'histoire, une fois n'est pas coutume, place à l'Uchronie, cet exercice qui consiste à imaginer ce qu'aurait été l'histoire si tel ou tel événement n'avait pas eu lieu. Que serait-il passé si les États-Unis n'étaient pas entrés en guerre en 1942 ? Que se serait-il passé si Louis XVI n'avait pas été arrêté à Varennes ? Notre fiction nous transportera dans l'été 1940, un été on ne peut plus tranquille, dans une France en paix, et oui, telle que l'a imaginé pour nous le scénariste de BD Jean-Pierre Pecot dans Le bel été de Monsieur Katz. À dimanche prochain, très bonne soirée à tous.